Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors, on va donc se contenter ce soir d'un magazine Tripalium comme travail et puis faire un petit peu l'inventaire, parce que ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas fait, sur le monde du travail, hein, étant entendu que les décisions politiques qui peuvent être prises ont une influence directe sur les salariés, bien sûr, hein, sur le monde du travail. Voilà. Alors on va commencer par la France. Uber condamné pour la première fois. Tout le monde sait ce qu'est Uber, hein, c'est-à-dire une entreprise de taxi, de transport. La Cour d'appel de Paris a reconnu le 11 janvier dernier que le lien qui unissait un chauffeur indépendant et la plateforme de VTC, Uber, s'apparentait à du salariat. Le chauffeur avait saisi la justice après avoir vu son compte désactivé. À la suite de l'étude approfondie de son cas, la Cour a estimé qu'en donnant ses directives, en contrôlant les courses et en le privant d'accéder aux services de la plateforme Uber, Uber avait exercé un pouvoir de sanction, ne permettant pas au chauffeur d'organiser librement son travail, ni de fixer ses tarifs lui-même. Un jugement qui montre une nouvelle fois l'urgence d'améliorer les conditions d'exercice des travailleurs des plateformes. On pourrait multiplier comme ça les problèmes qui sont générés par ces fameuses plateformes. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour la plupart des salariés qui, tout en ayant un contrat avec une entreprise telle qu'Uber, qui n'est pas un contrat de travail, mais qui est un contrat de service, il n'empêche que là, si un tribunal considère, à plus forte raison, une cour d'appel considère qu'il s'agit d'un contrat de travail, et à juste raison, hein, puisque, comme on le disait, il reçoit directement les ordres de la plateforme qui dispose du temps de la personne qui est en fait en état de subordination. Alors, l'affaire du siècle, titre un hebdomadaire syndical. Les Français sont de plus en plus sensibles à la question climatique qui n'y paraît. Ils ont apporté un large soutien à la pétition « L'affaire du siècle » mise en ligne par 4 ONG en vue d'assigner l'État en justice pour inaction climatique. Depuis le 17 décembre 2018, celle-ci a déjà recueilli près de 2 millions de signatures. Avant de déposer plainte, les 4 ONG espèrent une réponse au courrier qu'elles ont adressé au Premier ministre, lui rappelant que la France, partie prenante du consensus international pour éviter une hausse des températures de 2 degrés d'ici à 2100, doit respecter ses engagements pris lors de l'accord de Paris. Il lui demande de revoir sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, lesquelles sont reparties à la hausse depuis 2015. Voilà, bah oui, rien d'extraordinaire dans cette annonce, hein. Sinon que bon, c'est énormément de jeunes, je dirais presque exclusivement des jeunes, pas seulement, bien sûr, qui se préoccupent, bien sûr, du climat, hein, puisque c'est quand même les générations futures qui risquent d'être victimes de notre inconscience par rapport au climat. Hein, parce qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique, bien sûr, il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il y a aussi la déforestation, il y a aussi beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu par rapport à ce réchauffement climatique. 15%, c'est la proportion des ménages ayant déclaré avoir souffert du froid chez eux au cours de l'hiver 2017-2018, selon le rapport annuel de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Parmi les déclarants, 40% estiment que ce froid est dû à une mauvaise isolation de leur logement et 28% considèrent que leur installation de chauffage est insuffisante. Un ménage sur 10 dit rencontrer des difficultés pour régler ses factures énergétiques. En 2018, 3,6 millions de ménages ont reçu un chèque énergie qui remplace les tarifs sociaux de l'énergie. D'un montant moyen de 150 euros, pour 2019, cette aide a été augmentée de 50 euros et une nouvelle tranche a été créée qui bénéficie à 2,2 millions de foyers supplémentaires. Voilà, bah, c'est sûr que la diminution du pouvoir d'achat, hein, maintenant c'est prouvé, la précarité de l'emploi, la précarité aussi pour se loger crée forcément des problèmes, y compris de froid dans les habitations. Les difficultés, la précarité énergétique. Alors, malgré ça, et malgré tous les débats qu'il peut y avoir, contrôle des chômeurs, des sanctions plus dures que celles annoncées. Ça aussi, c'est passé. J'allais dire comme une lettre à la poste, c'est peut-être pas le bon terme. Dans les médias, on n'en a pas parlé. Voilà, publié in extremis pour une application au 1er janvier 2019, le décret portant sur le renforcement du contrôle des chômeurs ne passe pas. En pleine négociation sur la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement continue à distiller la petite musique qui revient toujours à considérer que les demandeurs d'emploi profiteraient de règles d'assurance chômage trop généreuses. C'est ce qu'estime la CFDT. La volonté de renforcer les contrôles n'est pas nouvelle. En mars dernier, le ministère du Travail avait annoncé de nouvelles sanctions pour les chômeurs. Le fait de ne pas rendre en rendez-vous avec un conseiller pouvait, par exemple, conduire à une radiation de 15 jours. Finalement, entre parenthèses, c'était déjà appliqué dans les Vosges. On a toujours une longueur d'avance, bien avant le mois de mars dernier. Voilà, donc, finalement, ce sera un mois de radiation selon le décret. 2 mois au bout de 2 manquements et 4 mois au 3e manquement constaté. Voilà, que dire par rapport à ça, ce que je disais l'an dernier, que je dis depuis des années, hein, c'est-à-dire que la plupart du temps, Pôle emploi fait preuve de coercition alors qu'elle est incapable, bien sûr, de trouver un emploi aux demandeurs d'emploi. Mais par contre, on va convoquer des personnes comme ça, de manière impromptue, pour savoir ce qu'elles deviennent, ce qui peut être légitime, mais aussi, la plupart du temps, simplement pour faire le point, ce qui ne sert strictement à rien, puisque Pôle emploi n'a pas à offrir d'emploi aux personnes qui sont convoquées et qui peuvent être... qui peuvent aussi avoir des difficultés pour se rendre à la convocation. Hein. N'oublions pas quand même le peu de transport en commun qu'il y a. J'ai eu le cas, il y a quelques années en arrière, d'un chômeur qui était tombé en panne avec son véhicule qui était de plus en plus vétuste, et puis qui est arrivé 10 minutes en retard, et il s'est fait radier 15 jours de l'assurance chômage. Hein, simplement parce qu'il était arrivé en retard, on lui a dit, de toute façon, il y a un autre rendez-vous, vous n'étiez pas à l'heure, donc on vous radie. Bon, là, il y avait manifestement un abus de pouvoir de la part de Pôle emploi, mais il n'empêche que ça risque de devenir de plus en plus le cas. Et puis ça permet surtout, on oublie de le dire, au pouvoir de radier quelqu'un à un mois, 2 mois, ça permet de faire disparaître des statistiques du chômage. Et donc de présenter une situation de l'emploi bien meilleure que ce qu'elle est réellement. Voilà, concernant l'insuffisance de recherche d'emploi, et par extension du refus des fameux offres raisonnables d'emploi, le gouvernement avait là aussi évoqué une révision de l'échelle des sanctions. Suspension d'allocation de 1 mois la première fois, puis suppression de 2 mois la deuxième fois, et de 4 mois la troisième fois. Hein, c'est-à-dire que si on vous dit vous avez un boulot au SMIG à 30 km de chez vous, de toute façon, vous devez le prendre, autrement, on vous radie purement et simplement, et on n'hésite pas à reprendre la sanction plusieurs fois. Voilà, donc c'est un moyen comme un autre de diminuer aussi le chiffre des chômages et puis quand même de plonger dans la misère totale des chômeurs qui n'ont vraiment pas besoin de ça à l'heure actuelle. Et ce n'est pas étonnant qu'ils soient quand même très nombreux en solidarité avec les gilets jaunes aujourd'hui. In fine, le gouvernement choisit de rendre systématique la suppression d'allocations pour les chômeurs indemnisés plutôt que d'opter pour une suspension. des sanctions absurdes, alors qu'à peine 8% des chômeurs indemnisés seraient en recherche insuffisante d'emploi, selon Pôle emploi. Et injuste, estime la CFDT. Autre incohérence, l'application de sanctions jusqu'alors dévolues au préfet vient d'être transférée à Pôle emploi. Comment peut-on envisager de créer une relation de confiance avec les demandeurs d'emploi si l'institution censée les accompagner doit aussi les contrôler ? Pour la CFDT, la lutte contre le chômage doit d'abord passer par des propositions d'offres d'emploi de qualité. Or, sur ce point, c'est aux entreprises de s'engager. Voilà ce que dit en conclusion la CFDT par rapport à ça. Et puis, puisqu'on parle du pouvoir d'achat, les agents publics sont à la diète. L'État employeur n'est décidément pas exemplaire, ni prime exceptionnelle, ni même négociation salariale à l'horizon 2019 pour les agents publics. Parmi les mesures annoncées, le président de la République, le 10 décembre, en réponse aux Gilets jaunes, seule la défiscalisation des heures supplémentaires et la hausse de la prime d'activité s'appliqueront. Une bien maigre consolation, alors que le gel du point d'indice est maintenu dans la fonction publique, bien sûr. Bien entendu, et que la hausse de la CSG est dans leur cas tout juste compensée. Néanmoins, le gouvernement a fait quelques exceptions pour calmer les colères. Une prime de 300 euros était annoncée le 18 décembre afin de rétribuer les policiers mobilisés pendant les mouvements des Gilets jaunes. Ah oui, on ménage les forces de l'ordre quand même. Puis une augmentation salariale de 120 à 150 euros sur l'année 2019. Au début janvier, le ministre de l'Action et des Comptes publics promettait le versement d'une prime de 200 euros aux 40 000 agents des finances publiques mobilisés pour le prélèvement à la source, en raison de la petite surcharge de travail qui est liée. Mais pour Mme Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonction publique, cela donne le sentiment que le gouvernement donne à ceux qui sont le plus exposés médiatiquement. Or, il faut des mesures générales, que ce soit une revalorisation du point d'indice ou l'attribution de points supplémentaires. Nous devons rapidement construire le prochain rendez-vous salarial, dit cette responsable du syndicat CFDT. Alors, que dire par rapport à ça ? Que de toute façon, il y a quelques agents qui vont bénéficier de la fonction publique, hein, puisque les policiers sont aussi fonction publique, vont bénéficier de mesures, et puis les autres, ils ont un retard énorme sur le pouvoir d'achat, et puis se voient aussi accréditer les suppressions d'emplois, c'est-à-dire la surcharge de travail, puisqu'il y a des suppressions d'emplois dans les fonctions publiques qui sont prévues. Donc on voit que, de toute façon, Macron, c'est véritablement la rigueur absolue pour les salariés et la richesse pour les patrons, enfin les employeurs. Voilà, cette première partie, on va peut-être passer, on parlait de la France, à l'international. Alors la Hongrie. Ce régime est plus subtil qu'une dictature. La Hongrie connaît une émigration régulière qui touche sa population jeune et qualifiée. Les protestations portent également sur le pouvoir d'achat. Viktor Orban, Premier ministre depuis 2010, a augmenté le salaire minimum de 15% en 2017 et de 8% au 1er janvier 2019. Mais à 460 euros, ce SMIC est l'un des plus bas de l'Union européenne. Les manifestations le jugent insuffisant. Alors, quand on interroge, bien sûr, les syndicalistes hongrois, que disent-ils ? À la question « Quelle est l'origine du mouvement social hongrois ?» apparu en décembre à la faveur de la réforme du Code du travail, et oui, là aussi, il y a une réforme du Code du travail, comme quoi la droite libérale type Macron ou l'extrême droite s'entendent bien pour réformer le Code du travail et donner moins d'assurance aux salariés, moins de droits aux salariés. Donc, cette réforme du Code de travail s'est poursuivie en janvier, la suite de nouvelles annonces du gouvernement sur les heures supplémentaires, parmi lesquelles un nouveau plafond fixé à 400 heures par an, payable sur 36 mois. Les manifestations parlent de lois esclavagistes, qui révèlent une pénurie de main-d'œuvre dans ce pays où le chômage est très bas, 3,7%. Alors, quelle est l'ampleur de la mobilisation en Hongrie ? Numériquement faible, si l'on se réfère aux manifestations en France. Pour autant, ce mouvement nous donne des indices de ce qu'est la vie politique en Hongrie. Dans ce pays où les libertés publiques, l'État de droit et le pluralisme sont contraints, c'est le signe d'un mécontentement important. La contestation va-t-elle perdurer ? La question qui peut être posée dans ces cas-là. Oui, ce mouvement peut s'inscrire dans la durée. Sous Orban, la Hongrie est devenue une démocratie illibérale. Ce régime est plus subtil qu'une dictature. Il fait attention à ne pas sortir des clous de l'Union européenne, ne serait-ce que pour continuer à percevoir des fonds structurels qui représentent 4% de son PIB. Je serais donc très surpris que la contestation soit réprimée. En revanche, l'illibéralisme se caractérise par un assèchement des libertés politiques, syndicales, du pluralisme et de l'état de droit. Résultat, les conditions d'exercice de ces libertés sont difficiles. Pour exemple, il n'y a pas de censure, mais l'exécutif a fait en sorte que les journaux ou papiers d'opposition ne puissent plus se financer. D'ailleurs, ils n'en existent plus. Enfin, il y avait aussi que même en France, les journaux d'opposition sont plus particulièrement rares, hein, à part bien sûr sur le net. Voilà, c'est des propos qui ont été recueillis auprès de... C'est un entretien avec Sylvain Kahn, historien et géographe spécialiste de l'Union européenne, professeur à Sciences Po Paris. Alors, la popularité de Viktor Orban est-elle atteinte ? Une majorité de Hongrois le soutient toujours. Sa notoriété bénéficie de la bonne santé d'économie. Celle-ci reste attractive pour les investissements étrangers. L'économie hongroise offre un taux d'imposition des sociétés très bas, un flat tax pour l'impôt sur le revenu, des salaires à bas coût. Ce néolibéralisme se font toutefois dans la limite imposée par l'UE, l'Union européenne, bien entendu. N'a-t-il d'autres raisons à la fronde sociale ? Pas dans le cas de ce mouvement. Il n'y a pas de contestation purement politique, au moins pour l'instant, à part les voix minoritaires au Parlement, de gauche et du centre, peu dénoncent le nationalisme, le discours anti-Roms ou antisémite, à peine voilé, ou encore la xénophobie, l'islamophobie dirigée contre les nouveaux migrants. Sur ces sujets, Viktor Orban reste peu inquiété, bien entendu, puisqu'il n'y a pas véritablement de journaux d'opposition. Hein, et bien sûr, les médias, c'est les médias qui maintiennent des gouvernements comme ça, quand même, qui sont proches de l'extrême droite, qui sont même d'extrême droite, hein, puisque de toute façon, soutenus par des pareils que Marine Le Pen. Alors, en Italie, qu'est-ce que se passe-t-il ? Ben, des maires sont en résistance face à Matteo Salvini. Plusieurs maires de grandes agglomérations italiennes refusent d'appliquer le décret anti-immigration de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, vice-président du Conseil et chef de file de la Ligue, parti d'extrême droite. Là encore, on retrouve l'extrême droite. C'est un texte inhumain puisqu'il viole les droits de l'homme et criminogène, parce qu'il transforme en illégaux les personnes qui se trouvent légitimement sur notre territoire. C'est ce qu'a dit Leo Luca Orlando, le maire de Palerme, qui a pris la tête de la bronca contre Matteo Salvini, reliant à sa cause les élus de Florence, Naples, Parme et d'autres villes moyennes de la péninsule. Les maires ont suspendu dans leur commune l'application du décret sécurité qui prévoit l'abrogation des permis de séjour humanitaire de 2 ans permettant aux migrants d'accéder à l'emploi et aux services de santé nationale, bien entendu. Le maire de Palerme a également annoncé vouloir saisir la justice pour que soit vérifiée la constitutionnalité de la loi anti-immigration adoptée à l'automne dernier par le Parlement italien. Or, un petit détail, hein, pour en terminer sur cet aspect italien, hein, en Europe, hein, c'est que la législation italienne était moins sévère jusqu'à présent que la législation française vis-à-vis des migrants. Hein, mais avec, avec Matteo Salvini, et bien évident qu'on a franchi une étape qui est bien pire que partout ailleurs. Enfin, pas partout ailleurs, parce qu'il y a pire quand même en Europe, et puis surtout de par le monde par rapport à l'immigration. Mais enfin, on est quand même dans une situation qui viole la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pologne. La haine assassine. Vive émotion en Pologne après la mort du maire de Gdańsk, poignardé le 13 janvier alors qu'il prenait la parole lors d'un événement caritatif. Événement caritatif destiné à collecter des fonds pour les enfants malades. Paweł Adamowicz dirigeait la ville portuaire, berceau du syndicat Solidarność, depuis plus de 20 ans. Humaniste, pro-européen, catholique social, il avait fait de la défense des droits et des LGBT et des migrants son combat. Il accueillait dans sa ville des réfugiés venus d'Ukraine, de Tchétchénie, de Syrie ou de Libye, à rebours des positions du parti nationaliste polonais, le PIS, au pouvoir depuis 2016. Il était la cible d'attaques violentes dans les médias conservateurs et d'appels au meurtre sur les réseaux sociaux. Dans un pays où la haine a envahi la sphère politique, un climat qui a sans doute influencé le meurtrier, un jeune homme de 27 ans, psychologiquement fragile. Ben voilà, hein, on croirait vraiment à certains moments être dans les années 30, hein, par rapport au fait que... Puis les médias en sont aussi responsables, hein, au fait que des vagues anti-migrants, des manifestations anti-migrants se déclenchent, alors que c'est un problème mineur par rapport à l'Europe d'aujourd'hui. Hein. On préfère diriger le mécontentement des Européens vers les migrants plutôt que de résoudre ces problèmes internes qui est généré par un néolibéralisme et puis qui est de plus en plus prégnant et qui accentue terriblement les inégalités et met en difficulté, bien sûr, nombre d'Européens aujourd'hui. Alors, en Espagne, Alliance des droites en Andalousie, longtemps épargnée par la montée des populismes en Europe, je souligne que j'aime pas le terme populiste parce qu'il s'agit en fait d'organisations d'extrême droite, l'Espagne est frappée à son tour. Le parti d'extrême droite Vox a créé la surprise en faisant une percée spectaculaire aux élections régionales de décembre dernier en Andalousie, fiesta historique du Parti socialiste espagnol. À la tête de la région depuis 1982, quelques jours après les résultats, Ciudadanos, centre-droit, le parti populaire droite, faisait alliance avec Vox pour former une coalition au Parlement régional. Le parti Vox, créé en 2013, prône une politique anti-immigration, eux aussi, anti-avortement, et réclame l'abrogation de la loi sur les violences faites aux femmes, récemment adoptée en Espagne, et de la loi Mémoire historique, qui reconnaît le statut des victimes du franquisme. Un programme particulièrement glaçant, hein, dit cette revue syndicale, qui manque pas quand même de souligner cette montée des extrémistes de droite en Europe. Et puis là, on assiste quand même à des faits particulièrement préoccupants, hein, c'est-à-dire la droite et du centre-droit qui s'allient à l'extrême droite pour régner. Et puis ça risque d'être le même cas, mais ce ne sera certainement pas le même cas en Catalogne, hein, avec la venue de notre cher ex-premier ministre, hein, qui ne manque pas de défiler, y compris avec l'extrême droite en Catalogne, pour réclamer le renversement du gouvernement actuel de la Catalogne. Alors la Roumanie, la Roumanie, c'est le pays qui prend la tête du Conseil européen. C'est dans un climat tendu que la Roumanie a pris la présidence du Conseil européen le 1er janvier pour 6 mois. À ce titre, elle devra gérer plusieurs événements de grande ampleur, le Brexit, les élections européennes, Et dernière directive, dont celle très attendue, relative à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais l'État de quelque 20 millions d'habitants, qui a rejoint l'Union européenne en 2005, est tiraillé entre les eurosceptiques partisans des positions polonaises et hongroises, et les pro-européens qui mesurent les progrès réalisés depuis l'adhésion à l'Union en 2007. Un malaise politique accentué par une économie instable avec des taux de croissance en dents de scie, 7,3 en 2017, 3,6 en 2018. Et une crise liée à la réforme de la justice qui vise à affaiblir l'indépendance des juges alors que la Roumanie souffre d'une corruption endémique qui freine la bonne utilisation des fonds européens. Bah, que dire par rapport à la Roumanie hein, quand on dit que la situation s'est améliorée avec l'entrée dans l'Europe, c'est vrai, et c'est pas totalement vrai, hein, parce qu'il faut voir aussi que l'Europe a généré les mêmes inégalités en Roumanie qu'ailleurs, hein, ce qui explique aussi ces retours de nationalisme partout, parce qu'on se dit que finalement, le néolibéralisme n'amène pas grand-chose de bon à l'Europe. Et justement, comme on n'explique pas ce qui se passe réellement, eh bien, les eurosceptiques finissent par gagner des parts de marché. Voilà, on va peut-être accorder une pause musicale avant de poursuivre ce dossier Tripalium comme travail sur RGM. Bonjour, qu'est-ce qu'il faudra le petit monsieur ? Bonjour, j'aurais une baguette s'il vous plaît. Il la veut comment sa baguette bien moulée ? Oui, en fait, c'était justement, je voulais vous dire... Pardon ? Laisse-moi tourner vers un autre univers. Quittons les fours de Vulcain. Oh ma boulangère, en pousse-pousse, nous traverserons la forêt noire pour l'opéra viennois, écouter du Mozart. Je vous l'emballe. Oh ma fleur d'oranger, au paradis financier, nous serons repartis, nous dorer les miches. La campagne. Dégustant boule coco à l'ombre des palmiers, sous le ciel guimauve des îles Sandwich. Alors j'ai cru dit tête longue. Un appage léger de crème sur ton corps marbré. Nous nous enivrerons sur la plage sablée. Oh ma chouquette. Je vous en mets sans grâce. Mon fruit de la passion. En brique ou en canette? Hein? Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Ce sera tout? Non. Ce sera tout? Non. Ce sera tout? Non. Ce sera tout? Non. Non, car une armée de Malabar fera un coup d'état diplomate. Je leur enfilerai 1000 feuilles par-ci par-là pour les faire marcher à la baguette. Pas trop cuite la baguette. Mais ils tenteront de nous tuer, alors on se barra en cachette. Je vous la coupe. On se sauvera, pas le temps de souffler pour toi, mamie. Je construirai un radeau en bâton de réglisse. Nous glisserons sur la rivière de Cacolac. En vrai, moi, je tirerai au flanc les crocodiles qui nous attaquent. Et puis on sera sauvés, tous les deux, toi et moi. Dans un élan d'amour, je prendrai ta langue de chat. Hein? Oh mon chou. Je vous en mets 100 grammes? Oui. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Ce sera tout? Non. Oh, ce sera non, tout? Mais attends, ce sera non, tout? Non, attends. Non, comment ça sera tout? On m'a promise, mais j'ai encore du rêve dans ma pochette surprise. Accroche-toi à cette ficelle. Pas trop cute la ficelle. Et grimpons vers le ciel, décrochons des croissants de lune. Pour nos amours en meringuées, pour fondre dans l'espace à bord de soucoupes acidulées. Les étoiles seront à nous. Ça sera tout? On fera un avec l'infini, on sera un tout. Ça sera tout? Non. Ça sera tout? Non, bah attends. Ça sera tout? Oh non, attends. Allez au suivant. Quoi? Allez au suivant, je allez monsieur. Je vous en prie, allez-y, allez-y. Comment ça, au suivant? Alors je sers quoi, la baguette? Non, allez non, au suivant. Au suivant. Comment ça, au suivant? Au suivant. Attends. Allez au suivant. Hey. Comment ça au suivant? Ça fait une heure là que je me presse le citron pour faire des jumeaux, tu restes frigide comme une religieuse. Hein? T'es non. Qu'est-ce qui se ramène sa tresse de bâtard? Non mais attends, il a pas vu sa tronche de caisse? T'as vu ta tronche de ton toi? Ouais bah moi j'ai pas soufflé ta canard. Tu crois que je te quiche? Ouais, bah, attends, non, mais il va t'affermer sa gueule la petite pièce. M'en fous moi de ton boulangerie moi. Ton racine. Ouais bah moi j'ai de la coupée en tronche ta dragée. Mais reste baigné dans tes chaussons moisis. Boudin là. Non mais t'as appris ta poésie dans les 49. Dans les 49. Daniel, ramène ta fraise. Ouais, c'est ça, pour ton mari, ouais. Daniel, ça tue. Voilà, nous reprenons l'antenne sur cette tour d'horizon international par rapport au monde du travail. En sachant bien, je le disais tout à l'heure, que toutes les décisions politiques, sociales, qui sont prises par les divers gouvernements européens, ou dans le monde, bien entendu, ont une influence directe sur les salariés, sur le monde du travail. Hein, et on ne peut pas dire que ça s'améliore à l'heure actuelle. Alors, en Inde, l'Inde fait peu parler d'elle, à part en ce moment où il y a un conflit, un nouveau conflit, j'allais dire, au Cachemire, cet éternel problème où l'Inde revendique le Cachemire et puis le Pakistan également. Hein, et donc, alors, il y a une chaîne humaine de 620 km contre le patriarcat. De quoi s'agit-il? C'est l'expression qu'ont utilisé les médias indiens pour décrire les 620 km de chaîne humaine formée le 1er janvier dernier. Des millions d'Indiennes ont participé à cet événement dans l'état du Kerala pour protester contre le patriarcat qui règne dans cette région. Alors, le Kerala, c'est le triangle du bas de l'Inde. Hein. Voilà, depuis plusieurs mois, progressistes et traditionalistes s'opposaient sur l'autorisation donnée aux femmes d'entrer dans le temple d'Iyappa, je suppose que ça se prononce comme ça, à Sabarimala, dans le sud-ouest de l'Inde. La Cour suprême a en effet mis fin à cette interdiction imposée jusqu'ici aux femmes de 10 à 50 ans. Considérées comme impures, à la suite de la manifestation, trois femmes ont réussi à entrer dans le sanctuaire, sous protection policière, bien entendu. Mais on voit quand même que dans ce pays de l'Inde, hein, et dans certaines provinces, dans certains territoires, on est loin, loin, loin encore d'avoir obtenu l'égalité homme-femme. Voilà. Alors, aux États-Unis, Chodom, 800 000 fonctionnaires sans traitement. C'est d'ores et déjà le plus long Chodom de l'histoire états-unienne. Faute d'accord sur le budget fédéral entre le président Trump et la Chambre des représentants, la majorité démocrate, quelques 800 000 fonctionnaires fédéraux, se retrouvent au chômage technique sans traitement. Alors ça date du mois de... Du début de ce mois, hein, c'est encore le cas. Je ne sais pas trop comment la situation a évolué parce qu'on évoque les problèmes que de manière sensationnelle et puis après on les oublie dans les médias. Certains donc, fonctionnaires sont même obligés de travailler sans rémunération à la clé. Il s'agit pour l'essentiel d'employés du fisc, des musées, de la justice, de l'agriculture, de l'environnement ou de la NASA. Les agents des services médicaux et militaires en sont exclus. Cette situation aberrante perdure depuis le 21 décembre, date à laquelle la Chambre a refusé de valider le budget présenté par le gouvernement. Au cœur du litige, le financement du mur de séparation à la frontière mexicaine, une promesse de campagne à 5 milliards de dollars pour le président Trump. Ben voilà, hein, ben c'est quand même l'épisode... un des épisodes les plus puants de la domination de l'élection, de la post-élection de Trump. Alors, en Argentine, 40 ans après, eh oui, souvenez-vous, pour les moins jeunes, j'allais dire, de ce qui s'est passé il y a 40 ans en Argentine. Le tribunal argentin a condamné pour crimes contre l'humanité deux responsables d'une usine Ford en Argentine pour leur participation dans l'enlèvement et la torture de 24 travailleurs dans les semaines qui avaient suivi le coup d'État de 1976. Pedro Müller, condamné à 12 années de prison, et Hector Sibilia, à 10 ans, respectivement directeur d'usine et responsable de la sécurité, avaient fourni les photos, adresses et autres renseignements permettant aux militaires d'enlever les travailleurs, dont plusieurs étaient des syndicalistes. Pendant la dictature, des milliers d'Argentins ont été portés disparus, torturés ou tués par la junte au pouvoir. Ben voilà, il a fallu quand même 40 ans pour en arriver là. Hein. Et Dieu sait que quand même un nombre très important de ces militaires d'extrême droite, hein, j'allais dire de ces pro-nazis n'ont jamais été beaucoup inquiétés en Argentine. Et puis même, ces mêmes personnes sont en train de reprendre pied et pouvoir au Brésil à l'heure actuelle. C'est quand même inquiétant pour toute l'Amérique du Sud, hein, qu'on pensait quand même que les forces progressistes avaient réussi à déloger les différentes dictatures. Malheureusement, on est quand même dans une situation où les États-Unis, par l'intermédiaire du régime actuel, continuent à peser sur les politiques des pays et à encourager les dictatures. Voilà, alors l'Égypte, l'Égypte, c'est encore un des exemples où véritablement des pays comme la France, comme les États-Unis soutiennent les militaires au pouvoir. Les militants des droits du travail sont persécutés, bien entendu. L'ONG Frontline Defenders et la CFDT ont présenté le 6 janvier dernier aux journalistes français un rapport alarmant sur les attaques dont sont victimes les militants des droits du travail en Égypte. On y découvre entre autres la répression dont font l'objet 26 ouvriers du chantier naval d'Alexandrie à la suite d'un conflit social pacifique survenu en 2016. Le syndicat français s'associe à cette ONG, a demandé à l'État français d'intercéder en faveur de ses salariés dans la mesure où la société française Naval Group, détenue majoritairement par l'État, est présente sur ce chantier. Elle a remporté un contrat de plus d'1 milliard d'euros pour la construction de 3 frégates. La CFDT de Naval Group a également interpellé la direction de l'entreprise, sans obtenir de réponse jusqu'à présent, bien entendu. Comme quoi, l'économie, la finance écrase tout, et puis peu importe les droits des salariés. En Égypte, encore plus qu'ailleurs. Voilà, pour faire ce tour, on va revenir en Europe, puis on va parler du Royaume-Uni. Le Brexit, toujours entre parenthèses. Le 23 juin 2016, rappelons-le, une majorité de Britanniques décide par référendum de quitter l'Union européenne. Le 5 juin 1972 avait approuvé à 67,2% leur adhésion à l'Union européenne, laquelle fut effective en 1973. 43 ans après le mariage, c'est le divorce. Alors, les points essentiels de la négociation Union européenne-Royaume-Uni du 25 novembre. En premier lieu, la période de transition est fixée jusqu'à fin 2020. C'est assez proche. Voire fin 2022. On ne sait pas trop. Afin d'organiser au mieux la relation commerciale avec l'UE, les négociations se poursuivent pendant près de 2 ans après la date effective du Brexit, fixée au 29 mars 2019, jusqu'au 31 décembre 2020. Le Royaume-Uni conservera les droits d'accès au marché unique, mais ne pourra pas signer d'accord de libre-échange avec des pays tiers. Il ne siégera plus dans les institutions européennes. En cas d'accord des deux parties, la période de transition pourrait être prolongée une fois jusqu'au 31 décembre 2022. Déjà sur les relations proprement dites. La fameuse question irlandaise, parce que ça, c'est vraiment le gros problème. Le jour du divorce, une véritable frontière physique devrait être établie pour contrôler les passages des personnes et des marchandises entre les deux parties de l'île. Cette question est particulièrement sensible, car la finalité est de préserver les accords de paix de Belfast en 1998. La solution trouvée est provisoire et consiste à maintenir l'Irlande du Nord avec le Royaume-Uni dans un territoire douanier unique au sein duquel les produits continueront à circuler. Que dire par rapport à ces deux premiers sujets, c'est que de toute façon, on voit bien quand même qu'on ne veut pas toucher à l'économique, malgré le Brexit, dans un premier temps du moins, c'est très gênant pour tout le monde, mais bien sûr, il y a des conséquences économiques pour tout le monde et on ne veut pas trop y toucher. Alors, les résidents européens au Royaume-Uni et britanniques dans les autres pays européens, les résidents et leurs familles conservent leur droit à la santé, à la retraite, aux prestations sociales, au regroupement familial. Les citoyens établis de part et d'autre au moment du Brexit pourront continuer à y travailler et à mener leur vie comme avant. Cela concerne plus de 3 millions de citoyens de l'Union européenne. Au Royaume-Uni, et plus d'un million de Britanniques dans les pays de l'UE. On voit bien quand même que dans ces échanges entre l'Europe et la Grande-Bretagne, c'est quand même particulièrement la Grande-Bretagne qui recevait beaucoup de personnes, plus qu'elle en mettait dans l'Union européenne. Alors, les aspects financiers du désengagement britannique de l'Union européenne. Londres a pris des engagements dans le budget européen 2014-2020. L'accord de sortie ne donne pas de chiffres, mais le gouvernement britannique l'a estimé à environ une quarantaine de milliards. Il s'est engagé à les rembourser dans des modalités et des délais qui restent à préciser. Voilà, ben oui, bien sûr, il y a des engagements qui sont pris, les engagements ne peuvent pas être rompus d'une année sur l'autre comme ça, puisque c'est quand même des engagements sur une longue durée quand on fait partie d'une structure comme l'Union européenne. Alors, les compétences de la Cour de justice européenne, c'est quand même intéressant. En cas de désaccord sur l'interprétation des règles européennes, les Britanniques resteront jusqu'à la fin de la période de transition sous la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire que s'il y a des litiges, qu'ils soient commerciaux, dans le monde du travail, dans le monde de la famille, que sais-je encore, enfin tout ce qui peut être justice, eh bien la Cour européenne de justice sera encore compétente pour trancher des litiges. Alors le 15 janvier, le Parlement britannique rejette par 432 voix sur 650, dont 118 conservateurs, l'accord conclu par son gouvernement rendant caduques les négociations. Ce vote est la conjonction de trois oppositions. Les pro-européens qui souhaitaient un second référendum, lequel pouvait être favorable au maintien dans l'UE, les partisans d'une rupture nette avec l'UE qui rêvent du grand large et souhaitent un choc ultralibéral, parce qu'en fait, c'est surtout les ultralibéraux qui ont gagné dans cette affaire, les travaillistes qui veulent de nouvelles élections pour accéder au pouvoir. Donc cette alliance un peu hétéroclite fait que le gouvernement britannique, le Parlement britannique a rejeté par 432 voix sur 650, l'accord conclu par son gouvernement. Voilà, avec l'Europe bien entendu. Quelles sont maintenant les voies de sortie, interroge-t-on. Le plan B est un plan mystère. Peut-être s'agit-il simplement d'être plus précis sur la durée du filet de sécurité, permettant de contourner la difficulté irlandaise, étendre la durée de l'article 50, celui de la sortie, il faut apparemment résoudre plusieurs problèmes. Le Premier ministre doit formuler la demande qui doit être acceptée par les 27 pays de l'UE. La question des élections européennes prévues dans l'Union entre le 23 et le 27 mai doit être réglée. Ben oui, on est tout proche. Les Britanniques hors de l'UE n'étant pas appelés à élire les députés européens, dans l'hypothèse où ces questions sont réglées, quel est l'objectif des Britanniques pour ce délai supplémentaire, qui, je rappelle, peut aller jusqu'en 2022. Les options possibles sont plus lisibles, la sortie nette, sans accord, ou le retour aux urnes avec un nouveau référendum. Du point de vue européen, le charme anglais, l'humour, commence sérieusement à s'essouffler. Tout nouveau délai passe par une clarification préalable des objectifs des Britanniques. Voilà, c'est un syndicaliste, Jean-Pierre Moussy, qui a écrit cet article. Voilà, on va s'accorder encore une pause musicale avant de conclure cette émission en parlant à nouveau migration. Il vaut mieux danse prudence que sur blessure. Pour être tout à fait honnête, comme je n'ai rien à vous prouver, je vais vous dire de cette planète ce qui ne m'a jamais dérangé. Que deux hommes se marient entre eux du moment qu'ils sont amoureux et qu'ils aiment leurs enfants, évidemment. Et pour être tout à fait franc, comme je n'ai rien à vous cacher, tous ceux qui pensent autrement, vous m'emmerdez. Pour être tout à fait clair et pour nous connaître mieux, Je vais vous dire ce qui m'indiffère dans ce monde merveilleux. Qu'un étranger passe la frontière, qu'il vienne partager mon pain, si ça peut faire moins de misère, je le veux bien. Ceux qui trouveront démagogique cette façon de penser, vous avez compris la musique, vous m'emmerdez. Pour être franco de port, en y allant de but en blanc, j'ai eu beau faire tant d'efforts sur tant d'années et par tout temps. Je ne comprendrai jamais rien aux riches qui veulent toujours plus d'argent pour le cacher en fiscale niche comme c'est navrant. Je vais le dire simplement, emportez-les sous terre ses pieds et avec eux tout leur argent, vous m'emmerdez. Pour être tout à fait exact, vraiment précis, on ne peut mieux, je m'en vais mesurer l'impact sur ma vie de tous vos dieux. Je ne peux faire un pas dans la rue sans tomber, ô bon Dieu, cerise, sur une croix, un fou la rue, une Vierge Marie. Comment le dire sans rancœur, loin de vos mosquées et clochers, s'il vous plaît, priez dans vos cœurs sans m'emmerder. Soit nous avons fait connaissance, il serait bon de vous dire la vérité en toute conscience qui pourrait nous anéantir. Ne me donnez jamais le pouvoir, je serai bien plus loup que vos loups. Demandez donc à ma guitare si je suis fou. Alors je reste dans mon coin, sans autre forme de procès que de vous chanter ce refrain, vous m'emmerdez. Et je n'ai nul autre besoin, vous priant de me pardonner, que de vous chanter des refrains pour vous emmerder. Eh bien voilà, nous reprenons ce magazine Tripalium comme travail avec des questions à Jérôme Villon. C'est un ancien responsable de la cellule prospective de la Commission européenne, auteur du rapport pour une politique européenne de l'asile, l'immigration et de la mobilité. Alors, on lui pose la question, pourquoi publier un rapport sur la politique migratoire européenne ? N'est-ce pas emboîter le pas aux populistes qui ont fait de la crise des migrants leur cheval de bataille ? Et de répondre, il ne faut pas laisser le champ libre à ceux qui exploitent les peurs. Experts en manipulation, ils savent que la peur de l'étranger est un levier du nationalisme et du repli sur soi. Déconstruire la peur requiert au contraire de regarder en face les réalités pour tracer un chemin d'espoir raisonnable. Alors, on lui pose la question, qu'entendez-vous par regarder en face les réalités des migrations ? Regarder en face, répond-il, la question migratoire pour les Européens, c'est d'abord replacer la crise récente. Il y a eu plus d'un million de personnes franchir illégalement les frontières en 2015-2016 dans une vue de long terme. Elle apparaît alors exceptionnelle. En travaillant avec les démographes, on constate que les annonces relatives à une future ruée de jeunes Africains relèvent d'une généralisation complètement abusive. Mais on apprend aussi que le développement qu'il faut vouloir pour la paix à l'Afrique ne tarira pas le besoin d'émigration. Il faut s'attendre au contraire à ce que les progrès du développement accroissent les taux d'émigration, et particulièrement les besoins de mobilité internationale, notamment vers l'Europe. Tout cela peut être prévu et organisé. Mais regarder en face les migrations, c'est aussi regarder les migrants. Il s'agit d'abord d'accueillir et de travailler avec des personnes. Les blocages actuels sont le fruit d'un déni ancien de solidarité, dont le nœud se trouve dans ce que l'on nomme le règlement de Dublin. Ce règlement attribue une responsabilité principale d'instruction des demandes d'asile aux pays situés aux frontières extérieures de l'Union. Les réformes envisagées par la Commission ne corrigent ce défaut qu'à la marge, ou temporairement. Notre rapport estime qu'il faut au contraire trancher ce nœud gordien, ce qui suppose qu'un groupe de pays qui ne sont pas en première ligne, dont le nôtre, c'est-à-dire la France, accepte désormais un partage a priori équitable de la charge. Une telle initiative aurait des effets positifs en Chine. Elle conduirait à une harmonisation des modes de fonctionnement des agences nationales de l'asile. Elle permettrait de faire un saut majeur dans l'instauration d'un corps européen efficace de garde-frontières. Elle ouvrirait enfin la voie à une politique européenne effective pour l'émigration légale de travail. Alors, à la question « Pourquoi est-ce si important de doter l'Union d'une politique commune d'immigration légale pour le travail ?» Tenant compte du vieillissement démographique, les besoins nets d'immigration, de l'Union européenne sont au minimum d'1 million de personnes par an. En organisant ces flux à l'échelle européenne, en partenariat avec les pays partenaires, l'Union pourra avoir une influence bien supérieure à celle de ses États membres pris séparément. D'abord pour décourager les réseaux de passeurs qui prospèrent du fait des restrictions affectant l'immigration légale. Ensuite pour influencer les stratégies de développement des pays d'origine en vue d'y encourager la mise en place de formations professionnelles et de qualifications intermédiaires. La stratégie européenne de coopération avec ses partenaires, notamment africains, sera alors rendue beaucoup plus lisible. Il est temps de changer la donne. Voilà, c'est donc un interview de Jérôme Vignon, qui est intéressant parce que c'est d'autant plus intéressant que cette personne-là, bien sûr, est surtout un technocrate européen qui essaye quand même d'avoir une ligne par rapport à la politique d'immigration européenne, hein, sans pour autant, bien sûr et malheureusement, se pencher sur les cas les plus douloureux, les plus extrêmes. Voilà, on va terminer par quelques trucs sur l'Europe. Hein. Il faut quand même des citations ou des hommes qui ont fait de l'Europe, qui ont fait beaucoup pour l'Europe, enfin prétendument pour l'Europe. Je vais retrouver les textes. Hein, c'est... Une petite minute. Voilà. Alors, quelques inspirateurs de l'Europe, pour terminer ce dossier, puisqu'on n'est pas très loin des élections européennes et que ça ne passionne pas les foules. Hein. Sinon, pour voir comment peut être menée une politique intérieure des États. Alors, quelques inspirateurs de l'Europe. Mais il y a Victor Hugo, on l'oublie. Le grand-père de l'Europe, il est né, on le rappelle, le 26 février 1802. Hein, on aura bientôt quand même l'anniversaire de sa date de naissance. Un grand écrivain, un grand poète français, mais aussi un homme politique. Et Victor Hugo disait « Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. » Il a fait cette déclaration au Congrès de la paix le 21 août 1849. Il était quand même bien en avance par rapport à l'Europe et puis aux guerres qui ont déchiré l'Europe depuis, hein. En particulier les guerres franco-allemandes. Puis Winston Churchill, il faut quand même le citer, hein, qui est né le 30 novembre 1864, il était du 19e siècle, et qui est mort le 24 janvier 1965. Dans un discours à la jeunesse étudiante à l'université de Zurich, le 19 septembre 1946, il propose la création des États-Unis d'Europe. Voilà des vieilles idées qui refont toujours surface. Qui sont toujours battus en brèche, plus ou moins. Puis il y a Robert Schuman, bien sûr, le père de l'Europe, qui est né en 1886, hein, c'est des contemporains avec Winston Churchill, à peu de choses près, plus jeune, et il est mort le 4 septembre 1963, rappelons-le. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Voilà, c'est l'extrait de la déclaration fondatrice de l'Europe du 9 mai 1950. En sachant bien que malheureusement ces fameuses réalisations concrètes, elles existent. Hein. Il y a par exemple l'euro, il y a pas mal de choses en Europe. Mais malheureusement, on a tardé, trop tardé à faire véritablement une Europe sociale. C'est mon commentaire, si je peux le permettre. Et puis il y a Jean Monnet, qui est né lui aussi en 1886. C'est la même année que Robert Schuman. Il est mort le 16 mars 1979, bientôt l'anniversaire de sa mort. C'est le président de la haute autorité de la CECA de 1952 à 1955, considéré comme l'un des pères de l'Europe et l'inspirateur de la déclaration du 9 mai 1950. Voilà, que dire encore, que de toute façon on est proche des élections européennes, comme je le disais à l'instant, et qu'on ne peut qu'encourager les gens à aller voter pour cette élection, hein, même si on est Europe sceptique, je crois qu'il y a suffisamment de choix entre les différentes tendances politiques pour aller voter malgré tout, ou même voter blanc, parce qu'on nous promet que les votes blancs vont être pris en compte. Mais enfin, je crois que s'agissant de l'Europe, on a assez de tendance pour pouvoir participer à cette élection européenne, puisque ceux qui ne participeront pas aux élections se verront quand même imposer des choses que d'autres auront adoptées de par les résultats de leur vote. Et malheureusement, on peut craindre, dans ces élections européennes, bien sûr, une montée des extrémistes de droite, de l'extrême droite, toujours plus important au niveau européen. Voilà, je termine là cette émission de La Parole est à vous. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. Et puis, je vous souhaite, bien sûr, une bonne fin de soirée à toutes et à tous. À bientôt.